poisson à nageoire rayonner dans son milieu de vie. Oh oui, le poisson meurt et son cadavre est enfoui dans le sédiment qui se dépose. Le poisson se décompose. Le sédiment, pendant des millions d'années, pendant des millions d'années, en France, Valérie Giscard d'Estaing, René Coty, Jean Dujardin, la terre, le sable, le ciel, les oiseaux qui chantent et qui hurlent la vie. Comme ce poisson enfoui, tout seul dans le sédiment de la vie. La mesure de la vitesse moyenne sur un intervalle de temps qui ne commence pas en zéro. Dans une lagune, il laisse son parfum dans le sédiment. Une nouvelle couche de sédiment recouvre l'empreinte. Mon intérêt ici, c'est le calcul de la vitesse moyenne sur l'intervalle de temps compris entre TI et TF.